Regarde-toi, ivrogne des temps modernes. Ta face, elle rougit quand tu bois du vin. Du vin, oui, du vin. Enfin, non, on dirait plutôt de la peau de chien que du jus de raisin. Sale con, coupe tes poils et lave-toi. Quand on voit ta putain de sale moustache, on sait ce que t'as bouffé au dernier pas. Écarte-toi, tu pues la vieille gerbe. Et quand tu parles, putain, quoi, ça sent le macabé. Fraîcheur de la menthe, ça te donne envie de vomir. Mais putain, je te demande à quel goût est ton dentifrice. Ketchup, moutarde ou à la mayo. C'est peut-être pour ça que tu pues de la gueule. T'es sûr, t'as pas mal juste barré. Et tes gauches me demandent si t'es prêt. Ouais, mon gros, le coup de la savonnette, tu le connais pas. Vu que tu te laves pas, vas-y, bois encore et encore. La sirop, c'est ton ami. Plus que marre de te voir, ou plutôt de te sentir. Parce que tu putes, t'es moche, t'es con et t'es vraiment bidon. Moi je suis là juste pour te clasher en espérant qu'un jour tu pourras te casser. Et ta mère elle en pense quoi, et sa mère je kiffe pas toi. Ennemi de capitaine de soirée, ami de mère au foyer. Putain t'es qu'un sale salopard. D'enculé ta mère, excuse les propos mais moi je t'aime pas. Yeah.